عندنا تقريبا 3 heures dans ce parc. Des gens pleuraient, d'autres étaient ensanglantés, avec des fractures, des cris de partout. Après 3 heures, les cars de police nous ont emmenés. Ils nous ont mis dans un autobus, serrés comme des sardines. Et là, ils choisissaient ceux qu'ils allaient frapper. On ne savait pas ce qu'on allait devenir. Si on allait rentrer chez nous ou pas. Ceux qui tombaient étaient évacués sur des brancards. Mais je ne sais pas s'ils allaient à l'hôpital ou pas. Mais l'autobus, dans le bus, on ne savait pas où on allait. On avait peur.